Noël. Dans nos beaux habits swell, c'est bon pour la salubrité. Pas besoin de se toucher, on danse en vie, Adam et Ève. On va se mouiller les aisselles, on a fait venir mon oncle aimé. Il va nous jouer du country. En ligne à Noël, a déclaré ma tante Estelle. On demandera au Père Noël de s'occuper de la vaisselle. On danse en ligne à Noël, a secondé Madame Trudel, qui espère garder sa fille Marielle très loin des plaisirs charnels. On danse en ligne. Pas en avant, trois pas en arrière, comme des vrais politiciens de carrière. Ça manque un peu de mal, cette piste de danse. Ça manque un peu de mon oncle, là. Hé, hey, mon oncle frère, m'amenez-vous. Oui, oui, oui, puis votre moustache peut venir aussi. Cousin Fermin, lâche un peu ta petite cousine pas fine, puis viens te trémousser la cravate un peu. Monsieur le curé, ben vous l'avez dit, c'est pas péché. Ben allez, venez danser. Attendez pas que j'invite l'imam. Bon, bon, y va. Non, non, non, non, pépère, on lève le pied, un pied à la fois. Oups, y a-tu quelqu'un qui a 901 dans le temps? Hey, ma tante Aline, ben voyons, venez danser. C'est pour vous qu'on fait ça. Oh, ma snowboard, RSSI. Hey, come on!